gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. KLSU. Du nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie. C'est aujourd'hui l'épisode numéro 433. Bon, on n'est pas encore au 500e, hein, là il faut encore compter exactement 67 épisodes. Donc ça nous fait donc 67 mois, bah, ça fait d'ici 5-6 ans, hein, on sera à la 500e. J'espère qu'on sera encore là, toujours en forme et qu'on aura survécu à tout ce qui nous tombe dessus au niveau de la santé, des épidémies et tout ce que vous voulez. Pour l'instant ça va, ça va. Ben, j'espère que vous aussi, ou que vous nous écoutiez, eh bien, restez bien branchés. On est ensemble jusqu'à 18h30 pour le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative et en tout cas le meilleur de la musique que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Au programme d'aujourd'hui, bah, je ne vais pas tout vous dévoiler, hein. On va avoir des nouveautés. Ce sera par exemple Tashai Miyake, on écoutera Henry Stafford en nouveauté aussi, Escuela. On aura notre powerplay, on aura notre rubrique BD comme chaque mois avec une super BD aujourd'hui. Alors restez bien à l'écoute, ce sera plutôt dans la deuxième moitié de l'émission, mais ce sera c'est une très très belle BD que j'ai à vous proposer en chronique aujourd'hui. Et puis on ira voir un peu ce qui se passe du côté de la Rocale et chez nos autres partenaires organisateurs de concerts. Pour l'heure, eh bien, je vous propose de commencer tout de suite en musique ce 433e épisode avec Castle Black et le morceau City of the Sea. Et avant cela, Mayflower Madame. Et un morceau qui s'appelle Vultures. Bon, j'allais dire bon début de soirée, non, hein, il fait encore bien clair. Il fait même encore beau aujourd'hui par rapport à ce qu'on nous avait annoncé, donc bon après-midi. Et si vous le pouvez, bah, déguster un petit cocktail en nous écoutant, c'est la meilleure combinaison possible pour aujourd'hui. We'll be right back. J'espère que vous appréciez la programmation musicale de ce début d'émission. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous le voulez, vous nous rejoignez sur Facebook. On est à peu près une bande de 200 joyeux lurons. Et puis comme ça, vous pouvez nous faire part de vos impressions et puis communiquer directement aussi avec les artistes qui font partie de notre joyeuse communauté. Et puis si vous nous écoutez ou si vous voulez nous écouter via internet, c'est aussi possible via notre lien direct pour nous écouter, www.planetlive.ga, www.planetlive.ga. On écoutait Castle Black avec City of the Sea. Eh bien, on va écouter une artiste qui a en tout cas au moins des origines japonaises. Elle s'appelle Tashaki Miyaki. Et on l'écoute avec Wasting Time. Et puis après, on revient en Europe du côté de Chypre avec Arda et son groupe, le Stolen Moon. Et on les écoutera avec The Pebble in My Shoe, qui sera extrait de son tout nouvel album, qui s'intitule, quant à lui, Outsider in Perpetual Motion. Wasting my time, all of the time. Wasting my time, but I never give up, 'cause it's never enough. Wasting my time, losing my mind. Wasting my time, but I never give up, 'cause it's never enough. These thoughts out of my head. Can't get these thoughts out of my head. All of the time, wasting my time. Am I doing this right? echo in the schoolyard in my teens. Like a shadow, he caught a lonely figure, a handsome but broken kid. He always walked next to the wall, eyes low like he was scared. I always wondered about his home, what was going on in that place. Once we bumped into each other, he was smoking behind the canteen. Hey, the words fell from his mouth as he stood frozen at his feet. Hey, I said, how's it going? He walked away, but his eyes haunt me to this day. I'm worried about the pebble in my shoe, upset with the fly circling my room, cursing at the bombs ahead on the road, complain about the weather when it gets cold. There's someone on a building ready to jump, but tell me really, do we give a damn? Unless it's a friend or someone we know, we just say, oh boy, go by our day. Take it before it's too late. Voilà, c'était Arda accompagné de son groupe le Stolen Moon et on les écoutait avec Pebble in My Shoe. Je vous disais que c'était extrait de son tout nouvel album. Il vient de sortir il n'y a pas très très longtemps. Un album qui s'intitule Outsider in Perpetual Motion et Arda, eh bien, elle est originaire de Nicosie. C'est à Chypre. Voilà, 17h22 minutes. Eh bien, je vous propose de partir sans plus tarder à la découverte de notre album Powerplay. Et le groupe que nous mettons à l'honneur aujourd'hui, eh bien, n'est pas le plus connu, n'est pas non plus celui avec lequel, eh bien, les gens sont familiers. Bien que ce soit un groupe qui ait été fondé il y a déjà presque 20 ans, c'était en 2002. Pour être tout à fait précis, il s'agit du groupe The Mystics. C'est un groupe qui représente l'image parfaite de ce que le terme Americana exprime, à savoir un melting pot, un mélange, si vous voulez, bien dosé de musique rock, blues, country, soul et même un petit peu de gospel. Au point de départ de l'aventure, eh bien, on trouve deux artistes. D'un côté, Joe Lilly, le chanteur à la voix profonde, enfumée, vous allez voir, une voix profonde qui émerge des profondeurs de sa gorge. Joe Lilly était avant d'être le chanteur du groupe The Mystics, il était le chanteur pour Duke and the Drivers. Et puis l'autre garnement à ses côtés, c'est Bobo Babe Case, un guitariste originaire de Los Angeles, qui est aussi particulièrement actif dans les cercles du monde du jazz. Ils ne sont pas restés entre deux, hein, et comme ça arrive très souvent, la composition du groupe a été changeante et s'est transformée au gré des rencontres et des évolutions. Il s'est pour l'essentiel agrandi grâce aux apports successifs d'artistes qui gravitaient dans les studios de la région de Boston ou d'autres qui rejoignaient le groupe en tournée et qui sont restés un peu plus longtemps que ce qui était originellement prévu. Dans la composition actuelle, eh bien, on trouve à côté des deux loustiques mentionnés précédemment trois autres cocos dans ce quintet, à savoir Duke Levin à la guitare, le pianiste Tom Wheat et enfin à la basse Marty Ballou. Voilà, eh bien, je vous propose d'écouter un premier extrait de cet album. Est-ce que je vous ai déjà dit le nom du... Non, je n'ai pas encore cité le nom de l'album. L'album s'intitule Can't Change It. Le groupe, c'est The Mystics. Eh bien, je vous propose d'en écouter donc un premier extrait qui s'appelle Brand New Love. Un amour tout nouveau. Voilà, comme ça, vous savez absolument tout. Allez, on les écoute tout de suite. C'est notre Powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, épisode numéro 433. Well, my, oh my, well, I feel so right tonight. Got a crazy little mama, you know she's how to treat me right. And when she said you're gonna give me some, my heart started beating like a big bass drum. Because love, I got a brand new love. Hey, good God Almighty, I'm feeling like never before. She got to loving me, you know I holler more, more, more. And when she said she wanna do it again, she said, hold on, baby, gotta count to ten. Gotta love, I got a brand new love. Well, ooh, baby, ooh, yeah. Oh, I got the shot about it, surely ain't no doubt about it. Look at what you done to me. We'll be right back. about each and everything that we do. Well, you know, she got me really feeling like it's all brand new. When she loving me and she won't stop, so take it easy, honey, gonna blow my top. Because I love a kind of love, a kind of brand new love. She wanna give me some. My heart start to beating like a big bass drum. Because I love, I got a love, I got a brand new love. Brand new love. I'm in love, I'm in love, I got a brand new love. Brand New Love par le groupe de Mystics, c'est notre power play ce soir dans Planet Indie, cet extrait de leur album Can't Change It. Je vous ai mis une vidéo sur notre groupe Facebook, pas de ce morceau-ci, d'un autre. Allez voir et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Rejoignez-nous sur Facebook, vous tapez simplement Planet Indie et puis vous arriverez directement chez nous. Vous pouvez aussi passer par notre site internet www.ilovemusic.gq. Attention, c'était GA, on est passé en GQ. www.ilovemusic.gq. Au niveau de la programmation de notre partenaire La Rocale, eh bien, ça va être assez facile, puisque pendant cet été, il y a l'exposition Dinosaur Invasion, donc invasion de dinosaures dans les salles de La Rocale. Cette exposition dure jusqu'au 9 septembre, donc il n'y a pas de concert à vous annoncer pendant toute cette période. La prochaine soirée qui est prévue, c'est le 17 septembre, c'est le Rock Against Cancer. Donc d'ici là, on a encore le temps de voir venir. Après, eh bien, les deux spectacles suivants de Steven Wilson et de PNL, eh bien, ils sont déjà annulés. Donc ils étaient prévus respectivement le 23 septembre et le 19 septembre. D'ici quelques minutes, on ira voir ce qui se passe à Neumünster et à Culture Fabrique. Avant cela, bah, je vous propose encore de poursuivre en musique avec Escuela Black Rain. Et puis on écoutera aussi Blackie Bluebird, Many, Many, Many Tears Ago. Problem. Need to look down on some. Rockets, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Davis from Savage Peace, and you're listening to Planet Indie. Like rain falling down on me, stone clouds keep on building and the sun don't shine. Black rain, a spell on me. These ghosts must be turning for such a long time. And my body is just an ocean that I still cling onto. But I can see right through these holes in my skin. I see a shining, perfect vision, raining mercy down on me. But its voodoo keeps on changing the shape that it's in. Black rain falling down on me. Storm clouds keep on building and the sun don't shine. Black rain had a spell on me. These ghosts have been turning for such a long time now. And this binding old river keeps on rolling. Somebody must have been around here who fixed these holes in my skin. And I feel just like weeping Jesus, won't you cut me down? I've been changing the shape of this flesh that I'm in. In my skin, and I feel just like weeping Jesus, won't you cut me down? I've been changing the shape of this flesh that I'm in. Black rain falling down on me. Some clouds keep on building and the sun don't shine. Turning for such a long, long, long, long time. Yeah, turning and turning and turning for such a long, long, long, long time. Yeah, turning and turning and turning for such a long. Il s'appelle Harris Chafford. Moi, je ne me souviens pas l'avoir jamais annoncé, donc je pense qu'on ne l'a encore jamais écouté dans cette émission. On l'écoutait donc cette fois-ci avec Black Rain, et avant cela, c'était Escuela avec What's Your Problem. J'espère que vous n'en avez pas trop des problèmes, et en tout cas, si vous nous écoutez, eh bien, oubliez-les, en tout cas le temps d'une heure trente. Et puis, il sera bien temps de revenir à ceci par après. En ce qui concerne la programmation, eh bien, de la Culture Fabrique, il y a une résidence artistique de Maz entre le lundi 9 août et le samedi 14. C'est un artiste rap hip-hop. Le vendredi 13, un mois d'août, c'est un vendredi 13. Eh bien, j'espère qu'il vous portera chance. C'est un concert psychédélique disco avec le groupe Toutard, je ne sais pas trop comment il faut prononcer. Et ça se passera donc à 20h à la Culture Fabrique. Le vendredi suivant, vendredi 20 à 19h30, c'est du reggae pop avec Julio Mendez, accompagné de ses amis Julio Mendez and Friends. C'était au Koufa Summer Bar. Et puis le samedi 21, organisé cette fois-ci au Rotonde, derrière la gare à Luxembourg, ce sera Ethios 440, et c'est dans le cadre du festival qui se déroule tous les ans, le festival Congé Annulé. Donc je vous rappelle, samedi 21 du 8 à 20h, et ça se déroulera au Rotonde. Voilà pour la Culture Fabrique. D'ici quelques minutes, eh bien, on aura fait le tour complet de tous nos amis. On ira voir ce qui se passe à Neumünster. Avant cela, eh bien, on a encore de la musique à écouter avec, je vous l'annonçais tout à l'heure, Blackie Bluebird et Many, Many Tears Ago. Donc on pourrait traduire, il y a beaucoup, beaucoup de larmes, enfin je veux dire, dans le sens, il y a beaucoup de temps dans le passé, et là, c'était à une époque où il y avait beaucoup de larmes. Voilà, Blackie Bluebirds, c'est un jeu de mots, hein, entre Tears et Years. Years ago, Blackie Bluebird. Et puis avant de retourner sur notre album Powerplay de ce mois d'août 2021, Eh bien, je vous propose d'écouter un autre artiste. Ah ben alors là, on a un petit souci parce que j'avais prévu de vous passer un morceau de Art of Empathy, le morceau 96%, et je l'ai malheureusement égaré. Alors, je vais essayer de le retrouver. Ou alors, vous savez ce qu'on va faire. On va écouter les Mystics tout de suite. Enfin, je vais vous parler encore un peu des Mystics, et puis parce que eux, ils sont calés, et puis on va voir ce qu'on peut faire avec Art of Empathy. Alors, cet album Can't Change It, c'est le septième pour le groupe de Mystics, et c'est un disque à la fois puissant et en même temps, il peut être par moments très relaxant. On y trouve pas mal de reprises sur ce morceau, sur les 13 chansons qui figurent au programme. Eh bien, il doit y en avoir pas moins de 8 et 9 si on inclut le morceau qui est une chanson traditionnelle. C'est le morceau « Wouldn't Mind Dying ». L'album est produit par le légendaire Marco Giovanni, qui a travaillé par le passé avec des gens comme Robert Plant. Pour les plus jeunes, eh bien, c'était le guitariste, voire même peut-être le chanteur de Led Zeppelin, Emmylou Harris, une grande chanteuse de musique country, ou encore Norah Jones. On trouve dans les différents morceaux eh bien, des traces de Dire Straits, de Yes, de Bob Dylan, John Lee Hooker, ou encore Jimmy Reed pour ce qui est du blues. Parmi les reprises, eh bien, on trouve des morceaux des Rolling Stones, par exemple Backstreet Girl, voilà, un morceau des Rolling Stones, morceau de Bob Dylan aussi, Outlaw Blues de Jimmy Reed, le morceau de Jimmy Reed qui est repris, c'est lequel, c'est Going to the River, ou encore de Timmy Euro, et alors là, dans ce cas-là, on est, c'est quel morceau, je ne le vois plus, Ah, si, You Ain't Gonna Cry, Jimmy Euro et Joe Byers. Outre les musiciens habituels du groupe, on trouve une liste impressionnante d'invités, à commencer par la légende de la country, Charlie McCoy, qui à 79 ans se débrouille toujours aussi bien à l'harmonica. On y trouve aussi des membres du groupe The North Mississippi All Stars. On trouve donc les frères Luther Dickinson et Cody Dickinson. Donc, ils font partie du groupe de North Mississippi All Stars, ou encore Sonny Barbato qui joue de l'accordéon sur le morceau Dreamer's Holiday, sans oublier évidemment la magnifique performance de Kathleen Parks au violon sur la reprise du titre de Jimmy Reed de 1960, Going to the River. Pour l'heure, moi je vous propose d'écouter eh bien, That's All, That's All. Et quand je vous disais qu'il était prêt, on est quasiment prêt. Donc c'est aussi une composition, c'est pas une reprise, c'est une composition originale. D'ailleurs, les trois morceaux qu'on va écouter aujourd'hui, j'ai préféré passer des compositions originales du groupe. Donc c'est le groupe de Mystics, c'est notre power play. Aujourd'hui, dans Planet Indie, il y a un écho, je ne sais pas d'où il vient. Et on les écoute donc avec ce morceau, That's All, That's All. Si je ne m'abuse, parce que j'ai un gros doute. Mais non, c'est bien ça. Allez, c'est parti. Power play. Power play. And the preacher spoke, so that's all, that's all. And the rafters shook when the children called. Well, I heard it from Daniel, heard it from David, heard it from Moses. If you stay on the way, gonna be alright. That's all, that's all. Be alright. That's all, that's all. Wow, alright. Be all right. Hey. Mm-hmm. king. She's 10 foot tall. And the master rose, and they heard him call. Well, I heard it from Daniel, heard it from David, heard it from Moses. If you stay on the way, I'll be all right. Trouble come, that's all, that's all. In a trembling voice, better make the call. Cause I heard it from Daniel, heard it from David, heard it from the Moses. If you stay on the way, you won't be all right. Gonna be all right. Wow, it's all right. Voilà, c'était les Mystics avec les Mystics avec That's All, extrait de cet album Can't Change It, un album autoproduit par eux-mêmes, et c'est notre powerplay aujourd'hui dans cette émission Planète Indie. Je vous rappelle que je vous ai mis une vidéo d'un de leurs morceaux sur notre page Facebook. En ce qui concerne la programmation de l'abbaye de Neumünster, c'est super facile parce qu'il n'y a rien de prévu en ce mois d'août. Le prochain concert, ce sera le 5 septembre 2021 à 11h, le trio Songs of Praise avec un spectacle intitulé Tu danses, c'est dans le cadre, eh bien, de leur apéro jazz. Pour cela, on en reparlera plus longuement au cours de notre prochaine émission. L'autre bonne nouvelle, eh bien, c'est que j'ai retrouvé le morceau de Art of Empathy qu'on devait écouter avant le second extrait. Je vais y arriver, hein. c'est un peu dur aujourd'hui. Avant le second extrait de Mystics, eh bien, on va l'écouter donc tout de suite, si vous le voulez bien, avec un morceau qui s'appelle 96%. C'est parti. And you're listening to Planet Indie, more than just. Observing, we are. the real power belongs to the people. Hey, this is Sherri-Ann from Sister Speak, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Carrington McDuffie, and you are listening to Planet Indie. Hi, my name is Vivi from Mental Monkey Ballet, and you're listening to Planet Indie. I hear migrant children crying. I see COVID victims dying. Riots fueled by all your lying. You better watch your back in hell. Mad King cries, it's all a fraud. I warn you fools, I was sent by God. The High Court must give me the nod. Better watch your back in hell. Shameless cowards bleat your praises. The GOP like a sheep herd grazes. The fire of hate you fan now blazes. Better watch your back in hell. You better watch. You're back in hell. So many good people heeded his call, and I just can't seem to understand. Your blood is my blood, man. Let's just tear down this wall. Our bond transcends this evil man. Our love transcends this evil man. You rape the land, the sea and sky. Enrich the rich, let poor folks die. Let racist tropes slip out so sly. You better watch your back in hell. Your meanness seems to know no bounds. You sick your face like rabid hounds on those who stand on moral ground. You better watch your back in hell. You better watch. You're back in hell. You know, he said that COVID might be a good thing after all, so he wouldn't have to shake your hand. His hate and anger and fear that he might fall, they brought down death and darkness on this land. Yeah, they brought down death and darkness on our land. But soon you'll see the big wheel turn and feel the fire of karma burn as those whose souls you've stolen learn. Now you drag them down to hell. Yeah, your sycophants will all be there to pull you into the devil's lair. Their knives will slash and flay you bare. You better watch your back in hell. You better watch. You're back in hell. Quelques minutes, je vous parlais de Kathleen Parks qui jouait le violon sur l'album des Mystics. Ici, le violoniste, il s'appelle Ron Stewart et c'est lui qui joue cette entraînante mélodie sur ce morceau, ce dernier single en date de David Massey, Watch Your Back in Hell. Il n'y a pas à dire, le violon, vous mettez du violon dans un morceau pop, rock, country, ça me fait toujours son petit effet, il n'y a pas à dire. Avant de poursuivre en musique, on va déjà se la mettre en fond musical parce qu'il est très long et il y a une longue intro instrumentale. Je vous propose de vous parler du Future Frequencies dans le cadre du ESH 2022, capitale culturelle de l'Europe. Il y aura c'est un projet d'atelier et de concert qui se déroulera avec Frank Widerman et Matthew Herbert. Si vous êtes un compositeur, un producteur, un écrivain ou un créateur musical et que vous avez envie de dépasser bien vos frontières musicales, ou si vous êtes un artiste émergent qui joue d'un instrument ou un grand chanteur, eh bien, le projet Future Frequencies est à votre recherche cet automne. Eh bien, deux des plus talentueux compositeurs d'Europe, Frank Widermann et Matthew Herbert, vont réimaginer le paysage musical européen dans une série d'ateliers collaboratifs avec des artistes émergents et des artistes établis de tout groupe et de toute communauté de la région de Esch 2022, capitale européenne de la culture. Si cela vous intéresse, vous allez sur le site de la Rocale ou vous cherchez sur internet Future Frequencies Esch 2022 Masterclass. J'ai pas le site exact sous la main, mais c'est très facile à trouver. Voilà, je sais pas non plus quand est la date finale de soumission, mais je pense qu'il va pas falloir trop traîner. Pour l'heure, on écoute les Autrichiens de Wolf's Heart. Ils jouent de la musique, vous voyez, plus de deux pans indienne native. Et là, vous reconnaissez les paroles, hein? House of the Rising Sun, reprise des Animals. The cholera rising sun. When it's been the ruin of a man. God, I know I was wrong. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man way down in New Orleans. Dear you got, I know I was one. Dear God, I know I was one. Je dois avouer que c'est assez surprenant comme version. Cette version House of the Rising Sun des Animals par le groupe Wolf's Heart. 18h09, ne traînons plus, le temps avance. Je vous propose de passer à notre capsule BD. Je vous ai dit en début d'émission que j'avais une super BD à vous présenter. Elle est vraiment super, elle s'appelle La peau de l'autre, c'est le volume 1 qui s'intitule Pile et face. Le résumé est le suivant. Début des années 40, Ross, mais surtout Harvey, bossent sur une comédie musicale censée mettre Broadway à leurs pieds. L'entrée en guerre des États-Unis suite à l'attaque de Pearl Harbor va modifier leur plan. Le premier, donc Ross, reste planqué au pays, tandis qu'Harvey s'engage comme copilote sur le bombardier de Jason, ancien chirurgien et accessoirement grand amateur de films d'horreur. En 1944, au cours d'un raid lors de la campagne de reconquête de l'Italie, leur appareil est abattu par la DCA. Après avoir sauvé Jason, Harvey retourne à la carcasse pour tenter d'en extraire ses autres malheureux compagnons. C'est alors que survient l'explosion, brûlant vif et défigurant le téméraire. Pendant sa convalescence, et alors que son visage porte toujours les stigmates de l'horreur qu'il a subie, il apprend que Ross s'est attribué la paternité de leur œuvre qui fait désormais un triomphe. Harvey n'a dès lors plus qu'une idée en tête, se venger. Jason, réintégré par l'armée dans son métier originel de chirurgien, lui propose alors d'expérimenter sur lui des avancées médicales dans le domaine de la greffe de peau mise au point par les nazis dans le camp de Buchenwald, à la libération duquel il a participé. En attendant le grand jour, Jason ressuscite Harvey à Hollywood sous les traits et le masque de Ferenc de Nostromo, le jeune premier qui monte et fait sensation sous les projecteurs, héros de films gore mais toujours dépendant en privé à la morphine pour affronter et calmer ses terribles crises. Ce livre est brillant, tant dans le contenu que dans la forme. Y a-t-il quelque chose à lui reprocher? D'un point de vue historique, transposer la problématique des gueules cassées qui relève plutôt de la Première Guerre mondiale dans le contexte de la Seconde, pourquoi pas, mais bon. Pour le reste, le dessin est magistralement réalisé, dans un style plutôt rétro qui cadre à merveille avec l'histoire. Le jeu, consistant à varier les couleurs dominantes en fonction du contexte, est lui aussi dans le ton. Le scénario est bien construit et emmène le lecteur à travers des détours insoupçonnés. Pourquoi Hollywood, qui semble a priori éloigné du désir de vengeance d'Harvey? Du coup, on se dit que son plan doit être plus machiavélique que tout ce que l'on peut imaginer et on en vient à douter de tout le monde. Le soutien indéfectible de Jason, par exemple, ne serait-il pas motivé par autre chose que ses liens d'amitié avec Harvey? Que cache-t-il dans son labo fermé à clé? Pourquoi cette ressemblance grandissante avec son comparse? Si graphiquement on retrouve par moments Freddy Krueger, on ne peut s'empêcher de faire un certain parallèle entre cet Harvey-ci et Harvey Dent, alias Double Face dans l'univers de Batman. Est-ce un hasard s'il porte le même prénom? Lui aussi a eu la moitié du visage défiguré, lui c'était par un jet d'acide. Lui aussi était au départ une victime qui a vu sa personnalité se transformer suite au coup du sort et au désir de vengeance. Hasard à nouveau si ce premier tome s'intitule Pile et Face? En conclusion, eh bien, ce premier volume distille ce qu'il faut de mystère, d'ombre, de trahison et de suspense, même si on le devine d'une instabilité grandissante qui le fait par moments dérailler et qui laisse son côté sombre progressivement prendre le contrôle de sa personnalité. On ne peut jusqu'à présent que se ranger du côté du héros défiguré et désirer qu'il reprenne pied. Sera-ce au prix de ce que l'on admire en lui? À ce stade, on est encore prêt à l'accepter et à le suivre dans son dessein de vengeance. Si on connaît ce qu'il pousse, la voie qu'il a choisi d'emprunter pour y parvenir reste une énigme prenante, qui sera dévoilée dans le second volume, qui devrait sortir, eh bien, je vous tiendrai au courant. Je ne sais pas exactement quand elle a prévu la date de sortie du deuxième volume, mais il ne faut aucun doute que je vous tiendrai au courant, car je suis très impatient de la connaître. Je vous rappelle le titre de cette BD, La peau de l'autre, volume 1, pile et face. C'est par Le Tendre et Le Tourné et c'est sorti chez Grand Angle. Eh bien, poursuivons en musique avec Nicky O'Neill et The World Is Waiting. Et puis après cela, il sera temps de retourner sur l'album des Mystics. The woods are deep and dark tonight, with trees as they get. The Chain, The World Is Waiting For Us Here. Elle s'appelle Nicky O'Neill et cet extrait d'un album EP, 7 morceaux qui s'intitule The World Is Waiting. 18h18, je vous rappelle que vous êtes sur Planète Indie, vous nous écoutez en direct le premier samedi, chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Cette émission sera rediffusée demain aux mêmes heures et sur le même canal, donc les ondes de RGL 96.6 FM, vous nous écoutez aussi en DAB+, vous nous écoutez sur le câble télédistribution en Belgique et au Luxembourg, l'offre Post, l'offre Proximus et vous. Vous pouvez nous rejoindre aussi via Internet, soit via le site de RGL, www.rgl.lu, ou le site de Planète Indie, ilovemusic.gq ou planetlive.ga pour arriver directement chez nous, ou encore eh bien, vous pouvez passer par Facebook, on est aussi sur Facebook. Et puis le podcast de cette émission sera disponible dès ce soir sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook. Comme ça, je pense avoir été complet à propos de notre site Internet. Je vous rappelle, www.ilovemusic.gq. Avant cela, c'était GA, donc vous remplacez le GA par un GQ. Ouf! Les Mystics, ben, je vous ai expliqué tout ce que je savais d'eux. J'ai plus grand chose à en dire. Je vous propose d'en écouter un troisième extrait. Ça s'intitule Let's Get Started. Je vous ai mis la vidéo sur la page Facebook du morceau Jumper on the Line. Et c'est un morceau avec les North Mississippi All Stars dont on parlait tout à l'heure. Et puis leur site internet, si vous voulez en savoir plus, www.themystics.com. Voilà, on écoute donc ce troisième extrait pour ce soir. Let's get started. Power play. Power play. Power play. Oh, let's get started and let's not stop. Get to the heart of it. Let's just rock. Oh, the rock of ages was cleft for thee. For fools and sages to all be free. And it's hidey high, hidey hey. Let's roll until we roll right on away. Too soon for goodbyes in the night. Stars and old guitars howling at the moon out in the bars. Hell, I ain't changing the way I feel. It's all the same, man. It's all that's real. And it's hidey high, hidey ho. Well, baby, I don't care, and I don't know. All them blues gone away in the night. Hey, hey, hey. All them blues. get started. Changement de style, hein. Après les Mystics et le morceau Let's Get Started, Norcal Music, c'est pas Music, c'est Music, avec Sweet Badger 2, et puis on écoutera Alp après pour terminer cette émission, Stuck in My Mind. Et puis je vous parle aussi d'une organisation, Ob der Schmelz, ça se passe ce soir, double concert avec Reggie Washington et Téléport, Téléport qui est un tout nouveau projet, composé de grandes voix du jazz luxembourgeoise, à savoir le bassiste Paul Bellardi, le claviériste Jérôme Klein et le batteur Jeff Hare. C'est ce soir à partir de 19h30 à Ob der Schmelz, à Dudelange, et l'ouverture des portes se fait à 18h30, donc en même... vous avez terminé d'écouter les Planet Indie et vous pouvez y foncer. Tout doucement se dire au revoir pour aujourd'hui. C'était l'épisode numéro 433 de Planet Indie. Vous nous retrouvez chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence et puis aussi via internet. N'hésitez pas, www.ilovemusic.gq. J'étais très heureux de passer cette fin d'après-midi en votre compagnie. Finalement, la météo n'a pas été si mal que ça pourvu que ça se maintienne. Prochaine émission, eh bien, ce sera le 4 septembre pour la rentrée. Prochaine émission en direct pour nous. Je suis très heureux de vous retrouver. Passez un bon mois d'août. Si vous avez, comme moi, vos vacances qui arrivent seulement maintenant, eh bien, profitez-en bien. Puis la prochaine émission en français sur RGL, ce sera samedi prochain à 17h. On va peut-être avoir l'occasion d'écouter encore quelques notes de James Sanders, Only the Best Dancer, pour se quitter. Allez, passez une bonne soirée. À très bientôt. Et restez fidèles à Planet Indie et à RGL. All the finest. saddest moments that we shared. All the ways you showed how much you cared. It all seems like a movie now, where I played a part. The show was over, a curtain round the heart. All the love that you gave me, in all my world, the love that might have saved me. Like stars on the darkest night that cannot be numbered, blazing wishes on a highway in the sky. Only the best dancer knows when to leave the stage before the curtains close and the lights turn low. Now the stage is empty and the sweetest memories are the silver lining on a sea torn apart. Living each day like we're forever, waters rushing on with a flowing river. Love cut down to the ground with the stroke of a sickle blade swing, while the long dark night of the soul begins. Only the best dancer knows when to leave the stage before the curtains close and the lights turn low. Now the stage is empty and the sweetest memories are the silver lining on a sea.